إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, on reprend donc ce soir l'étude de cette épître bénéfique intitulée مسائل الجاهلية, des préceptes pré-islamiques au sujet desquels le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est opposé aux gens de la jahiliya. Nous en sommes arrivés aujourd'hui au 9e précepte dans lequel l'auteur rahimahullah ta'ala a dit Al-mas'alatu at-tasi'a iqtida'uhum bi fasaqati al-ulama wa juhhal al-ubbad. Le 9e précepte est le fait qu'il prenait pour modèle les savants pervers et les adorateurs ignorants. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est opposé aux gens de la jahiliya sur ce sujet et Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé les versets suivants que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné. Ya ayyuha alladhina amanu inna kathiran min al-ahbari wal-ruhban la ya'kuluna amwal an-nas bil-batil wa yasudduna an sabilillah. Ô vous qui croyez, beaucoup de rabbins et de moines dévorent les biens des gens illégalement et obstruent le sentier d'Allah. وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى ainsi que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ. Dit aux gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion s'opposant à la vérité. Ne suivez pas les passions des gens qui se sont égarés avant cela, qui ont égaré beaucoup de monde et qui se sont égarés du droit chemin. Il fait donc partie des préceptes des gens de la Jahiliya, qu'ils prenaient pour modèle les savants pervers et les adorateurs ignorants. Et ces deux catégories de gens, ce sont ceux qui corrompent la religion de grand nombre de personnes. Et ce, car en apparence, ce sont des gens pieux, des gens vertueux, des gens qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les gens se laissent tromper par ces apparences, ils se font alors égarer en les prenant pour modèle. La première catégorie, ce sont les savants pervers. Et le pervers, c'est celui qui sort de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala dans sa science et dans ses œuvres. Et les savants pervers, ce sont ceux qui ne mettent pas en pratique leur science. Ou alors, ceux qui disent au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala des mensonges, tout en sachant que ce qu'ils disent sont des mensonges. Comme par exemple, en disant « ceci est licite » alors que c'est une chose illicite. Ou « ceci est illicite » alors que c'est une chose licite. Et eux, ils font cela en pleine connaissance de cause tout en sachant qu'ils mentent. Cela sont donc les savants pervers. Et ils font cela dans le but d'atteindre les choses qu'ils désirent et poursuivi des passions. Tout cela sous couvert qu'ils font partie des gens de science. Donc, les gens ont confiance en eux et ils utilisent cette confiance pour égarer les gens du droit chemin par suivi des passions et pour atteindre les choses qu'ils désirent comme certains biens vils de ce bas monde. La deuxième catégorie de personnes, ce sont les adorateurs ignorants. Ceux qui pratiquent des œuvres sans aucune science. Ils essayent de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par des actes innovés, des actes instaurés dans la religion, au sujet desquels il n'y a aucune preuve et aucun argument. Et les gens, ils les prennent pour modèle, pourquoi? Car, en apparence, ce sont des gens pieux, des gens qui font beaucoup d'adoration. Ils inspirent donc la confiance. Et les gens se font leurrer par cette apparence, les prennent pour modèle et s'égarent ainsi du droit chemin. Donc ces deux catégories de personnes, ce sont les deux catégories qui ont corrompu la religion des gens du livre, les juifs et les chrétiens. Les juifs, ils se sont laissés leurrer par leurs rabbins, qui ne mettaient pas en pratique la science qu'ils connaissaient et qui altéraient la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant aux chrétiens, Nasara, ils se sont laissés leurrer par leurs moines qui œuvraient sans aucune science. Et la religion de l'islam, Elle s'est opposée à cela. Et ce, en nous ordonnant de ne pas nous laisser leurrer par la science du savant ou par les œuvres de l'adorateur. Mais ce que l'on doit regarder chez le savant et chez l'adorateur, c'est leur droiture sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que la science du savant est conforme à ce qui est venu dans les textes du Coran et de la Sunna? Est-ce que les œuvres de l'adorateur sont conformes à ce qui est venu dans les textes du Coran et de la Sunna? C'est ceci qui nous a été ordonné en islam, de ne pas nous laisser leurrer par la notoriété d'un savant. Sous prétexte que tu es un savant, alors nous devons le suivre quoi qu'il fasse. Ceci est une erreur. De la même manière, l'adorateur. Il y a des gens parfois, ils voient quelqu'un qui fait beaucoup d'adoration. Il est assidu à la mosquée, il prie la nuit, il jeûne le jour, il fait beaucoup d'aumônes. Il a une apparence, une certaine piété. Mais si tu observes ses œuvres et les analyses, en fonction de la religion, tu vas te rendre compte dans certains cas qu'il accomplit une œuvre qui n'est pas légiférée, qu'il fait sa prière de manière innovée, qu'il accomplit tel acte qui n'est pas légiféré dans notre religion et qui s'oppose à la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc le musulman, il ne se laisse pas leurrer par ses apparences, l'apparence de science et l'apparence de piété. Car si tu te laisses leurrer par cela, et que le savant ou l'adorateur commet une chose qui s'oppose à notre noble législation. Il fait un acte contraire au texte du Coran et de la Sunna. Par exemple, il tombe dans un grand péché. Il persiste sur ce grand péché. Il ne veut pas se repentir de ce grand péché. Certaines personnes, sous prétexte que c'est un savant, ou sous prétexte que ce serait un adorateur, ils ne vont pas le blâmer pour ce péché. Et peut-être même qu'ils vont se laisser leurrer au point de le suivre dans ce grand péché, walayadu billah. Et il n'y a pas de doute que ceci est interdit par notre noble religion. Au contraire, dans cette situation, il est obligatoire pour nous de prendre garde, mais aussi de mettre en garde contre ce savant ou cet adorateur. Pourquoi de mettre en garde contre lui? Afin que les gens ne se laissent pas leurrer par son statut. En effet, c'est un savant, il a une certaine notoriété auprès des gens, il a commis un acte grave qui s'oppose à notre législation. Les gens risquent de le prendre pour modèle. Alors, les gens de science, ils vont mettre en garde contre lui. Ils vont prévenir les musulmans de ce mal afin qu'ils ne se laissent pas leurrer et ne le suivent pas dans son péché et sa transgression. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a mis en garde contre cela dans son noble livre, comme dans le premier verset que l'auteur rahimahullah ta'ala a cité. Lorsqu'il a dit subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu. إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. Ô vous qui croyez, beaucoup de rabbins, et les rabbins, c'étaient les gens de science, les savants, parmi les juifs, beaucoup de rabbins et de moines, et les moines étaient les adorateurs chez les chrétiens, dévorent les biens des gens illégalement et obstruent le sentier d'Allah. Donc ce qui est visé dans ce verset, comme vous venez de l'entendre, ce sont les savants et les adorateurs parmi les gens du livre. Parmi eux, il y en avait qui écrivaient des livres de leurs propres mains, et ensuite ils disaient, ceci provient d'Allah. Et ils tiraient de ces livres un vil prix. C'est-à-dire, ils les vendaient pour des sommes insignifiantes, des biens vils de ce bas monde. Ils prenaient donc l'argent des gens sans aucun droit, de manière illégale, et ils craignaient que s'ils étaient véridiques, et qu'ils informaient les gens que ceci ne provenait pas d'Allah, de perdre ces biens vils de ce bas monde qu'ils gagnaient avec cela. Donc, qu'est-ce qu'ils recherchaient en réalité? Ils cherchaient à satisfaire les gens. Ils avaient peur de la perte des quelques biens vils de ce bas monde qu'ils avaient gagnés. Et si tu médites sur la situation de nos jours, tu verras qu'il y a beaucoup de gens, parmi ceux qui s'affilient à la science ou à l'adoration, qui sont tombés dans des choses semblables. Combien sont ceux qui ne cherche qu'à aller dans le sens des gens. La seule chose qui l'importe, ce n'est pas que la vérité se propage, mais c'est que les gens soient satisfaits de lui. Il appelle à une religion qui satisfait les gens. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller dans leur sens. Il va suivre les désirs et les passions des gens et leur rendre licite ce qu'Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam ont interdit. Pourquoi? Dans le but d'obtenir la satisfaction des gens. Que les gens le suivent, et il tirera de cela certains profits parmi les biens vils de ce bas monde. Et pour cela, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rechercher les permissions, Ils vont rechercher même les erreurs des savants, afin de trouver un savant qui s'est trompé sur une question pour laisser penser aux gens que telle ou telle chose est permise en islam sous prétexte que tel savant l'aurait dit. Certains vont même directement jusqu'à mentir sur Allah subhanahu wa ta'ala et mentir sur son messager sallallahu alayhi wa sallam en disant que telle ou telle chose est permise ou que telle ou telle chose n'est pas un péché. Et tout cela dans le but de rechercher leurs propres intérêts ou l'intérêt d'un tel ou d'un tel parmi les gens qui cherchent à satisfaire. Et certains font cela par peur de perdre leur notoriété ou de perdre le rang qu'ils ont auprès des gens. Tu vas voir une personne parmi les gens affiliés à la science, que certains pourraient même dire qu'il compte parmi les savants, il commet une erreur et il sait qu'il s'est trompé. Il a la certitude, au fond de lui, qu'il est dans l'erreur. Mais il ne veut pas revenir de cette erreur, car les gens l'ont suivi dans celle-ci. Et s'il revient et qu'il corrige son erreur, alors il craint que les gens s'écartent de lui et qu'il perde sa notoriété, qu'il perde sa place et son rang auprès de ses suiveurs. Alors qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de corriger son erreur, il va persister sur celle-ci. Il va même mentir sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de se chercher des fausses excuses permettant de justifier son erreur ou wal'iyadhu billah. Et les gens continuent de le suivre dans cela. Pourquoi? Car ils se laissent leurrer par le fait que c'est un savant ou un adorateur. Il est donc obligatoire pour nous de grandement prêter attention à cela. Le verset que l'on vient de citer, Allah subhanahu wa ta'ala, dans celui-ci, il s'adresse aux croyants. Il dit, Ya ayyuhalladhina amanu. C'est une injonction pour les croyants, afin de les mettre en garde contre les savants du mal et contre les adorateurs égarés. Car ces deux catégories de personnes font partie des gens les plus dangereux pour la religion de la personne. Le savant pervers, savant du mal et l'adorateur égaré. Il ne faut pas penser que ceci était présent seulement chez les gens du livre, mais comme on vient de le dire, c'est encore présent au jour d'aujourd'hui chez certains parmi les musulmans, chez certains parmi les adorateurs, chez certains parmi les gens affiliés à la science ou affiliés à la prédication parmi les musulmans. Et c'est d'ailleurs pour cela que Sofiane ibn Uyayna, rahimahullah ta'ala, a dit: Quiconque se corrompt parmi nos savants, c'est-à-dire parmi les savants de l'islam, il a alors une similitude avec les juifs, avec les savants des juifs. Et quiconque se corrompt parmi nos adorateurs, parmi les adorateurs musulmans, alors il a une similitude avec les chrétiens. Et ceci est une mise en garde contre le fait de s'assimiler aux juifs et aux chrétiens dans leur situation, dans leurs actes, ainsi que dans leurs paroles. Et Allah subhanahu wa ta'ala, de par l'importance de cet ordre, il nous a ordonné dans chacune de nos prières, et même dans chacune de nos unités de prière, dans chaque raka'a, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te guider et de te préserver d'emprunter la voie qu'ont empruntée les juifs et les chrétiens. En effet, comme vous le savez, la récitation de Sourate al-Fatiha, c'est un des piliers de la prière. Nous devons la réciter dans chacune de nos unités de prière. Et qu'est-ce que l'on dit dans cette sourate? Ihdina as-sirata al-mustaqim. Guide-nous sur le droit chemin. Quel est ce droit chemin? Sirata alladhina an'amta alayhim. Le chemin de ceux que tu as comblés de tes faveurs. Qui sont ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a comblés de ses faveurs? Ce sont ceux qui ont réuni entre la science et sa mise en pratique. Ils ont acquis le savoir et ils ont mis en pratique ce savoir. Ghayril maghdoubi alayhim. Non pas celui de ceux qui ont encouru ta colère. Qui sont-ils? Ce sont les savants pervers. Ceux qui ont de la science, mais qui ne mettent pas en pratique cette science. Ou qui font des choses qui s'opposent à cette science. Comme l'ont fait les savants des juifs. Waladdallin. Ni celui des égarés, ni le chemin des égarés. Et les égarés, ce sont les adorateurs ignorants. Ceux qui œuvrent sans science. Qui pratiquent des innovations, des choses instaurées en religion. Comme le faisaient les moines des chrétiens. Donc on voit que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a interdit de prendre pour modèle les savants pervers et les adorateurs ignorants. Et étant donné la gravité et la dangerosité de suivre ces deux catégories de personnes, il nous a ordonné de l'invoquer dans chacune de nos unités de prière afin de nous préserver d'emprunter leur chemin. Et Allah subhanahu wa ta'ala, en parallèle de cela, il nous a ordonné de prendre la vérité avec sa preuve tirée du livre le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et de mettre en pratique cette vérité. Et telle est la voie de ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de ses faveurs. Ils recherchent la science authentique, tirée du livre d'Allah et de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils se passent donc sur des preuves évidentes. Ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala avec clairvoyance. Ils mettent en pratique cette science qu'ils ont acquise avec ses preuves. Ceux-là sont ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a comblés de ses faveurs. Aujourd'hui, on observe un comportement déviant, un comportement blâmable chez nombre de musulmans. Lorsqu'une personne désire faire une chose, qu'est-ce qu'il fait ? Il va chercher une permission. Ne cherche pas à savoir si la chose qu'il désire est licite ou illicite. Il ne cherche pas à savoir si cette chose le rapproche ou l'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non, il désire cette chose. Il est déjà décidé. Mais il veut se rassurer. Il veut se convaincre qu'il est dans le bien. Alors il cherche une permission. Et s'il trouve cette permission, il va se cacher derrière la fatwa du savant qu'il aura trouvé. Tu vas le blâmer, il va te dire « Mais c'est tel savant qui a fait telle fatwa. Ceci est interdit ?»« Oui, mais tel savant l'a autorisé. » Sans tenir compte de ce sur quoi s'est basé le savant. Est-ce qu'il s'est basé dans cette fatwa sur des choses conformes au livre d'Allah et à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ? Tu viens, tu lui dis « Cette fatwa, elle est fausse. Elle est erronée. Elle s'oppose au texte clair du Coran et de la sunna. » Il te dit « Ce n'est pas grave. » À partir du moment où j'ai cette fatwa, alhamdoulillah, je prends cette fatwa et je la mets en pratique. Et inversement, si une fatwa lui parvient et qu'elle ne correspond pas à ses désirs, à ses passions, qu'est-ce qu'il te dit ? Il te dit non, cette fatwa, elle n'est pas juste. Il y a de la dureté dans cette réponse. Et peut-être que dans cette situation, tout d'un coup, il va vouloir connaître la preuve. J'aimerais bien connaître réellement sur quoi il s'est basé pour prononcer telle fatwa. Mais en réalité, il ne veut pas la preuve. Ce n'est pas la recherche de la vérité qui le mène à demander la preuve dans cette situation. C'est quoi ? C'est simplement le fait d'annuler cette fatwa. Pourquoi ? Car elle ne correspond pas à ses passions. Et il y en a d'autres qui vont encore plus loin, qui vont réunir les avis erronés, les faux pas et les erreurs des savants. Et ils vont présenter tout cela aux gens. Pourquoi ? Sous prétexte de faciliter la religion aux gens. Ils disent, la religion de l'islam est une religion de facilité, une religion d'indulgence. Il ne faut pas restreindre les choses. Il ne faut pas se limiter à certains avis. Il ne faut pas imposer aux gens nos opinions. Il est obligatoire de respecter l'ensemble des avis de tous les gens de science et d'autres paroles semblables. Ceci est présent aujourd'hui. Il y a des gens, même chez nous en France, parmi ceux qui se sont donné le rôle de prédicateurs, alors qu'en réalité, ils n'ont aucun parcours religieux, ni études de la science, ni voyage auprès des savants, ni rien de cela. Mais YouTube, Facebook lui a permis de devenir prédicateur. Alors, il réunit tous ses avis, parmi les avis isolés, les faux pas et les erreurs de certains parmi les gens de science, anciens ou contemporains, et il présente cela aux gens comme étant des avis respectables qu'il nous est permis de suivre, sous prétexte de faciliter la religion aux gens. Et tout devient permis. Tout ce dont les gens ont la certitude depuis de nombreuses années, que cela est interdit, que cela ne fait pas partie de notre religion, que cela fait partie des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam ont interdites, il va venir avec des avis isolés pour essayer de te prouver que cela est permis, et étant donné que un tel a fait la fatwa, c'est l'avis de tel ou tel savant, alors il m'est permis de suivre cela. Et ceci est la voie des gens des passions et de l'égarement. Si tu choisis les fatwas des savants en fonction de tes désirs et de tes passions, sache que tu es en train d'en prendre un chemin qui s'oppose à la voie droite qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné de suivre. Mais ce que tu dois regarder parmi les paroles des savants, c'est quelles sont celles qui sont basées sur les textes du Coran, les textes de la Sunna, selon la compréhension des pieux prédécesseurs de la communauté. Il faut donc prendre garde à tous ces pseudo-prédicateurs qui viennent instaurer le laxisme et l'égarement au sein des musulmans en propageant parmi eux cette manière de faire, cette façon de penser qui est de choisir parmi les avis des gens de science ce qui t'est facilité sans même tenir compte de ce qui est conforme au texte du Coran et de la Sunna. Il est important que l'on comprenne que les paroles des savants, elles sont soumises au texte du Coran et de la Sunna. Il n'y a aucun parmi les savants qui est au-dessus du livre de la Sunna. Mais le livre et la sunna prédominent les avis des savants. Donc toute parole de champ de science doit être exposée au texte du Coran et de la sunna afin de distinguer entre le vrai et le faux parmi ceux-ci. Et ces gens-là, si tu leur interdis de suivre le chemin qu'ils ont emprunté, ou que tu les vois en train d'accomplir certaines innovations, et que tu leur rappelles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit l'innovation, ils vont te dire oui, mais un tel le met en pratique et c'est un savant, ou alors c'est une personne pieuse. Il est de notre devoir de comprendre que la science et la piété, elles ne suffisent pas à elles seules. Mais il est indispensable que les actes et les paroles de la personne soient conformes au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quant au fait d'accepter les paroles des savants comme une vérité établie, sans les exposer au texte du Coran et de la sunna, alors ceci est la voix des gens de la jahiliya, ceux qui ont pris leur rabbin et leur moine comme seigneurs en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui ont obéi à leur rabbin et leur moine, qui ont rendu licite ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, ou qui ont rendu illicite ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a permis. Nous devons donc prendre garde à cette voie, afin de nous éloigner de ce précepte qui fait partie des préceptes des gens de la jahiliya. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « Al-mas'alatu al-ashir » Al-istidlalu ala butlan al-din bi qillati afhami ahlihi wa adami hifdihim ki qawlihim badi al-ra'i. Il dit le dixième précepte, c'est-à-dire parmi les préceptes des gens de la jahiliya, le fait qu'ils prennent pour preuve de la fausseté de la religion le manque de compréhension de ses adeptes ou le fait qu'ils n'ont pas de mémorisation. Comme dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dont la traduction des sens rapprochés est « et ce, sans réfléchir ». Donc le verset complet, il concerne une parole du peuple de Nuh, alayhi salam. On en a déjà vu une partie dans un précepte précédent. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans celui-ci, selon le sens rapproché, « les notables de son peuple, c'est-à-dire du peuple de Nuh, qui avaient mécru, dirent alors « nous ne voyons en toi qu'un homme comme nous, et nous voyons que ce sont seulement les vils parmi nous qui te suivent, les faibles, comme on a vu dans un précepte précédent. Et ce, sans réfléchir. C'est-à-dire qu'ils ne réfléchissent pas et ne comprennent pas, et c'est pour ça qu'ils te suivent. Il fait donc partie des préceptes des gens de la jahiliya, qu'ils dénigraient les suiveurs des messagers, alayhim as-salatu wassalam, en disant qu'ils n'avaient pas de compréhension, qu'ils s'empressaient et ne réfléchissaient pas, et qu'ils ont suivi les messagers, alayhim as-salatu wassalam, sans réfléchir. Ils voulaient dire par cela qu'ils n'ont pas de compréhension en réalité, et que s'ils avaient réfléchi, qu'ils avaient pris du recul et pris le temps d'analyser la chose, ils n'auraient pas suivi les messagers, alayhim as-salatu wassalam. Ceci est un de leurs arguments par lesquels ils voulaient démontrer la fausseté de la religion. Et aujourd'hui, ce précepte est toujours présent parmi les gens. Nombreux sont ceux parmi les pervers, parmi les hypocrites et parmi les ennemis de cette religion qui dénigrent les musulmans et dénigrent les savants des musulmans en disant qu'ils n'ont pas de compréhension, qu'ils ne comprennent pas les choses, qu'ils ne prennent pas de recul sur les situations et sur les choses. Alors, ils les rabaissent avec ce genre d'accusation. Et il n'y a pas de doute que les savants des musulmans, ceux qui mettent en pratique la science qu'ils ont acquise, ils parlent et œuvrent avec clairvoyance et sur une preuve évidente. Et ce, car ils analysent des choses avec une lumière venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle est cette lumière? C'est la lumière de la science. La lumière du Coran et de la Sunna. Lorsqu'ils ordonnent une chose, ils l'ordonnent, car Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonné. Et lorsqu'ils interdisent une chose, ils l'interdisent, car Allah subhanahu wa ta'ala l'a interdite. Ils n'ordonnent et n'interdisent que ce qui est venu dans les textes du Coran et de la Sunna. Il n'y a pas de doute que ces savants, ceux qui mettent en pratique la science qu'ils ont acquise, ils font partie des meilleurs des gens après les messagers, alayhim as-salatu wassalam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a même qualifiés comme étant les héritiers des prophètes. Pourquoi? Car les prophètes, alayhim as-salatu wassalam, ils ne laissent en héritage ni or ni argent, mais ils ont laissé la science. Et les savants, ils ont acquis cette science. Ils ont donc pris une part de l'héritage des prophètes, alayhim as-salatu wassalam. Ainsi, quiconque dénigre les savants, rabaisse les gens de science, sous prétexte que ces derniers ne prendraient pas de recul sur les choses, ou ne comprendraient pas réellement la situation des musulmans, ne comprennent pas ce qui se passe, ne connaissent pas la réalité des choses. Alors celui-ci, il s'est assimilé aux gens de la Jahiliya. Aujourd'hui, on entend beaucoup de gens critiquer les savants. Ils vont dire, les savants, ce sont des savants, oui, mais au sujet des règles de la purification, ils connaissent les règles des menstrues, les règles de la manière de faire ses besoins, etc. Ils connaissent les questions secondaires, mais ils ne connaissent pas l'actualité, ils connaissent pas la réalité des choses. Ils sont plongés dans leurs livres, alors ils ne savent pas ce qui se passe autour d'eux. Telles sont les paroles horribles que prononcent nombre de gens parmi les gens des patients, et ceux parmi les gens de la masse qui les suivent dans ces dénigrements. Et certains ont même eu l'audace de dire au sujet de certains parmi nos savants, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les préserve, celui-ci est aveugle, pauvre, il ne sait pas ce qui se passe autour de lui. C'est devenu une marionnette entre les mains de ses élèves. Il est aveugle, il ne voit pas, mais ses yeux sont ses élèves, wa'ayyadu billah. Et d'autres paroles semblables. Aujourd'hui, ces paroles, elles sont répétées par les gens du four. Tout groupe confondu, les Ikhwan au Tablir, en passant par les Haddadi, ceux qui dénigrent les gens de science, et tout cela dans le but d'éloigner les gens de leurs savants et de leur obstruer la voie droite menant à la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de la même manière, avec les gens de la vérité. Combien sont ceux parmi les gens du faux que l'on entend dénigrer les gens de la sunna en disant « Oui, mais ceux-là n'ont pas de mémorisation. Oui, mais ceux-là ne comprennent rien. Ils n'ont comme occupation que telle et telle question parmi les questions liées à la science. » Et tout cela dans le but de rabaisser les gens de la vérité et d'éloigner les gens du suivi de la vérité. Il faut de prendre garde à cela et prendre conscience que ceci faisait partie des préceptes des gens de la Jahiliya par lesquels ils tentaient d'éloigner les gens du suivi de la vérité avec laquelle sont venus les prophètes, alayhim salatu wassalam. Le musulman, il doit donc prendre en considération le rang des savants, les respecter, leur donner leur juste valeur en prenant de leurs paroles ce qui est conforme au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ne pas les rabaisser, les dénigrer, les mépriser car ceci est une cause de grand mal au sein de la communauté. En effet, les savants, ce sont eux qui te relient au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de par leur compréhension et leur appel à la vérité. On va donc s'arrêter là pour ce soir, incha'Allah ta'ala, et on reprendra la suite des préceptes dans le cours de demain, incha'Allah ta'ala. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouter. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. وجزاكم الله خيرا